Chapitre 122. L'interdiction pour les hommes de porter la soie, de s'asseoir dessus ou de s'y accouder, et la permission pour les femmes de la porter. 804. D'après Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: ne portez pas de vêtements en soie, car quiconque en porte dans cette vie en sera privé dans l'au-delà. Al-Bukhari et Muslim. 805. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: seuls ceux qui n'auront aucune part se permettent de porter de la soie. Al-Bukhari et Muslim. D'après une autre version d'Al-Bukhari, ceux qui n'auront aucune part dans l'au-delà. 806. D'après Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: quiconque porte de la soie dans ce monde n'en portera pas dans l'au-delà. Al-Bukhari et Muslim. 807. Ali, radiyallahu anhu, a dit: j'ai vu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, prendre de la soie dans la main droite et de l'or dans la main gauche, puis dire: ces deux choses sont interdites aux hommes de ma nation. Abu Daoud avec une bonne chaîne, Isnad. 808. D'après Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: porter de la soie et de l'or est interdit aux hommes de ma nation, mais autorisé aux femmes. At-Tirmidhi a dit, hadith Hassan Sahih. 809. Hudhayfa, radiyallahu anhu, a dit: le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a interdit de boire ou de manger dans des récipients en or ou en argent, de porter des vêtements en soie ou en brocart, dit badge, et de nous asseoir sur ce type de tissu. Al-Bukhari.